toi fait potence. Yo vle jete ou kom sou na souvan. Le yo le make ou gen toi fait potence. Yo vle jete ou kom sou na souvan. Ki gen siye tou patou. Le men di gason se pa kolo. Fam ki gen zye tou patou. Le men di gason se pa kolo. On deklare ke tou apè patan. Yo vle jete ou kom se ou tan se vran. Le remake ou que tu apetas. Yo vle jete ou que fase ou na pepe. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. sale. Avec un femme pour le cas. Yon nou ki jen gason sou pou ko kon fwen pou lo kret nan mè ou. Avec un femme pour le cas. Ou pou ko ke fwen, ou pou ko ke fwen. Avec un femme pour le cas. Yon mou sistem la leve le matè. Avec un femme pour le cas. Bon ti kwen fik, bon ti jis. Avec un femme pour le cas. L'autre dia fwen mwen jen. Tu as quoi fait ta poisson?